Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 27. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 12 mars 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es la petite maison dans la prairie. Tu es moissonneuse-batteuse, tu es chemin vicinal, tu es charrue avant les bœufs, tu es clôture électrique, tu es rustique et tu es aussi... J'aurais jamais cru qu'on puisse s'attacher à une vache. Une vache. Écoute Marguerite, je vais te jurer quelque chose. Tu peux me croire, je te jure que jamais plus je mangerai du veau. Oui, tu l'auras compris l'ami, ce matin, tu es paysan, tu es agriculteur français. Dimanche dernier, les portes du 43e salon de l'agriculture à Paris se sont refermées sur une note négative. Et oui, le bilan des fréquentations a chuté de plus de 20%. La plus grande ferme de France ne ferait plus recette. Tristesse. Alors, inquiet de ce désamour et cherchant à comprendre pourquoi, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin de t'organiser un voyage au cœur du monde paysan dans les campagnes françaises. Ainsi, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée mais toujours décalée, celle des paysans français. Pour commencer, il faut dresser un tableau du monde agricole de ces dernières décennies. Ensuite, nous essaierons de savoir quels sont aujourd'hui ceux qu'on appelle les nouveaux paysans. Parmi eux, on enchaînera sur une interview exclusive de Pierre Richard qui viendra nous parler de la ferme qu'il possède dans le sud de la France. Et puis, nous avons tenté d'imaginer à quoi pourrait ressembler le monde paysan dans 40 ans. Nous te proposerons donc une visite guidée. Et enfin, te raconter ce joli week-end champêtre qu'ont vécu Monique et Jean-Claude chez leur oncle Léon, qui possède une ferme près de la Motte Beuvron. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son, remue le bas des reins et batifole dans les foins. Celebrate. Love Is All chante en 1974 Roger Glover et son Butterfly Ball. Love Is All parce que des galipettes dans la grange, à Jésus dans l'étable, à la campagne, tout est amour. Ainsi, cette semaine, la panique au Mangin Palace s'intéresse aux paysans alors que le salon de l'agriculture a fermé ses portes dimanche dernier. Le paysan, c'est celui qui vit à la campagne et qui travaille la terre ou qui élève des animaux. Longtemps, les paysans ont été dominés par ceux qui possédaient la terre, principalement les nobles, sous l'Ancien Régime. Et en ce temps-là, on répandait en doléances des paysans de manière, comment dire, radicale. Qui c'est qu'on a comme doléance maintenant ? Le paysan Guettenot, sire. Encore ? Mais il vient deux fois par semaine maintenant, celui-là ? Ils sont toujours en train de se plaindre, ces pecnos. L'autre jour, on s'entraînait dans un champ à la catapulte, il y en a un qui arrive. Oh, mes endives ! On lui a mis un rocher sur la tête. Ça l'a calmé, le bouseux. Tu parles, bien sûr, ça a dû le calmer, le bouseux. Il faut dire que pendant longtemps, les paysans ont eu l'image de braves gens, un peu rustiques, travailleurs, mais surtout râleurs, et qui amassaient l'argent sous leur matelas, tout en continuant à vivre chichement. Moi, vous savez, je suis un pauvre paysan, hein. Je fais un peu le blé. Moi, qu'est-ce que je dis comme blé, j'ai rien, j'ai pas grand-chose. Que j'ai comme blé, j'ai peut-être dans les 80-85 hectares de blé, quoi, pas plus. Mais ça paye pas. Le blé, ça paye pas. Ça a eu payé. Ça paye pas. Ça paye, oui, si on veut. Après, si on veut, ça paye, mais ça paye quoi, ça paye. Ça paye la semence, quoi. Ça a eu payé. Mais aujourd'hui, le monde agricole a bien changé. Au milieu du 19e siècle, les paysans représentaient la moitié de la population active. Aujourd'hui, le secteur agricole occupe moins de 4% de la population active. Cependant, les paysans conservent une place importante dans la société française. La Troisième République, instaurée en 1870, s'est appuyée sur les petits paysans propriétaires de leurs terres pour s'enraciner. Ainsi, en 1881, Gambetta a créé le premier ministère de l'agriculture. Aujourd'hui encore, nos hommes et nos femmes politiques courtisent le monde paysan et certains étaient déjà des spécialistes de cet exercice il y a presque 30 ans jour pour jour, le 13 mars 1976. Jacques Chirac au Salon de l'agriculture ce matin. L'exposition de la Porte de Versailles se termine demain. Les paysans qui ont accueilli le chef du gouvernement n'ont pas oublié non plus qu'il était connaisseur, qu'il était ancien ministre de l'agriculture après tout. Et vous allez le constater, l'ambiance ce matin, Porte de Versailles, n'avait rien de comparable à celle d'un salon de l'hôtel Matignon. C'est notre premier ministre. Bonjour. D'où ils viennent, ça ? Hein ? Je le connais. C'est les photos de la télé. Comment que ça va, la santé ? Eh bien, ça va pas mal, merci. C'est bien. Et le gouvernement, il se tient bien, oui. Vous êtes un corésien ? Ah non, ah, bon. Périgourdin. Ah, c'est, la lisière vaut bien le drap. Hein. Oui, oui, Bresson, je suis là. Ah, Bresson. La lisière vaut bien le drap, une raffarinade avant l'heure. Alors, s'il est vrai que les paysans représentent en France aujourd'hui qu'une faible partie de la population active, en revanche, ils occupent la majeure partie du territoire. Les paysans restent les conservateurs des paysages qu'ils ont façonnés depuis le néolithique et qu'ils entretiennent. La campagne, c'est d'ailleurs le terrain de jeu favori des citadins qui vont régulièrement y passer leurs vacances. Est-ce que tu viens pour les vacances ? Je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Eh oui, les vacances à la campagne, c'est la promesse de bons moments, proches de la nature. Mais attention, y vivre à l'année, là, c'est autre chose. Les citadins restent en ville. Tu vas me dire que ça tombe bien parce que le paysan, lui, pour rien au monde, il ne quitterait sa campagne. Quand je vois tous ces Parisiens se crever, gagner trois fois rien, habitant des cages à lapins, je me dis que c'est plaisant d'être né paysan. En effet, c'est sans doute plaisant d'être né paysan. Mais le monde agricole a bien changé depuis le milieu du XXe siècle. Jusqu'aux années 50, il était possible de faire vivre une famille élargie et même quelques journaliers en cultivant seulement quelques hectares et en ayant moins de 10 vaches. Avec la loi Pisani d'orientation agricole et la mise en place de la PAC, la politique agricole commune, en 1962, le paysan est devenu un chef d'entreprise. La taille des exploitations a explosé et l'agriculteur, plus que jamais, doit prendre en compte le marché international. Une mondialisation des produits agricoles qui conduit parfois à de grosses dérives, comme en mars 1996. Bonjour. Les importations de viande bovine en provenance de Grande-Bretagne sont suspendues en France jusqu'à nouvel ordre. Londres a admis que la maladie de la vache folle sévissait dans son cheptel. Les explications de Philippe Lefebvre et nous rejoindrons également à Londres Serge Martin, où la panique gagne les consommateurs. La panique qui a gagné les consommateurs pour la vache folle ressemble beaucoup à celle qui sévit aujourd'hui pour la grippe aviaire. Donc après les vaches, ce sont les volailles qui sont touchées. Enfin, il faut se rassurer parce que parmi les animaux de la ferme, il y en a toujours un sur qui on peut compter. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon. C'est bon. La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon. C'est bon. Désormais je veux chanter le cochon, le pâté, le saucisson. Répétons sur cette terre polisson. C'est bon. Qui c'est bon sur le cochon? C'est bon. Eh oui. Tout est bon dans le cochon, c'est une valeur sûre. Ainsi, la France a atteint l'autosuffisance agricole dans les années 70 et elle est même devenue exportatrice. D'ailleurs, la France est aujourd'hui la première puissance agricole de l'Union européenne. Cela dit, le choix de l'agriculture intensive n'est pas sans poser de problème. Les stocks s'accumulent et l'Europe a été obligée d'instaurer des quotas. Ah, les quotas. Il n'y a pas à dire. Les quotas, vraiment... C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey ! Et oui, l'hymne de nos campagnes, c'est encore aujourd'hui... produire plus. Pourtant, avec les labels et la certification, une partie de l'agriculture s'oriente vers une plus grande qualité. Le monde paysan est aujourd'hui en pleine mutation. Crise, mais également nécessité du modèle productiviste, explosion du tourisme vert et installation de rurbains dans les campagnes. Alors, face à la concurrence mondiale des produits agricoles, certains prévoient la fin des paysans et la reconversion des campagnes françaises en grands parcs d'attractions verts. Mais attention! Sans les paysans, il n'y a plus de campagne, ni de terroir, mais des territoires où l'on ira en traînant les pieds. Je traînais les pieds des casseroles, je n'aimais pas beaucoup l'école. Je traînais les pieds, mes guibolles abîmées, j'explorais mon quartier. Je traînais des pieds dans mon café, les vieux à la belote. Chante Olivia Ruiz sur son album La Femme Chocolat. Je traîne des pieds, c'est sans doute ce que doit se dire Renaud Donne-Dieu de Vabre, le ministre de la Grise Culture, quand il doit aller négocier avec les intermittents saisonniers du spectacle sans qui la moisson fructueuse des Césars ne serait jamais possible. Alors, pour continuer notre exploration de la paysannerie française, après avoir tenté de faire un état des lieux du monde agricole, il est temps maintenant, en direct du Mangin Palace, de s'intéresser à une catégorie toute particulière, à savoir ceux qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux paysans. Mais alors, qui sont-ils exactement ? Eh bien, depuis 5 ou 6 ans, on assiste en effet à un phénomène sociologique assez curieux. De nombreux citadins, plutôt d'origine bourgeoise, environ 2000 chaque année, décident de quitter les villes pour aller s'installer à la campagne. Et oui, ce ne sont ni des babacools, ni des 68ards attardés, mais plutôt des cadres supérieurs, exténués par le stress et les aspects superficiels de leur vie quotidienne, qui choisissent de retourner vers la terre nourricière des ancêtres. Ainsi, ils vendent tout et renoncent au confort le plus élémentaire pour se retrouver dans une ferme où, bien entendu, la vie est fondamentalement différente. Adieu les limousines avec chauffeur et rebonjour le tracteur. Oubliez les 5 étoiles somptueux. 14 célébrités abandonnent luxe, paillettes et privilèges pour vivre dans la ferme où chacun doit tenir le plus longtemps possible car c'est pour la bonne cause. Leur sort, il est entre vos mains. Voilà. Avec Daniel Ducruet, Régine, Henri Lecomte, la baronne Marianne von Brandstetter, Philippe Risoli, Nathalie Marquet et Django Edwards. Moi, je vous le dis, ça va les changer. Ça, c'est sûr. Pour Nathalie Marquet et Daniel Ducruet, de nouveaux paysans, donc la vie a changé après. Cela dit, quand un bourgeois veut devenir paysan, ce n'est pas simple. Car bien sûr, pour faire tourner correctement une exploitation agricole, il faut acquérir un savoir-faire séculaire. Du coup, bien souvent, quand un bourgeois devient paysan, en général, ça se termine comme ça. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas ? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas ? Moi, j'ai planté coco. Coco, ça pousse pas. Moi j'ai planté banane, banane ça pousse pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? Oui, pour devenir un nouveau paysan, il faut beaucoup de persévérance. Par ailleurs, d'autres motivations fondamentales poussent certains citadins à revenir vers le monde agricole. Ségolène Royal, par exemple, a su séduire le Poitou, grosse région rurale, pour se doter d'une dimension nationale sur le plan politique. Un véritable succès. D'ailleurs, au Parti Socialiste, on aimerait bien que Ségolène partage sa connaissance du monde paysan. Tu m'étonnes. Tu bagues nos deux dans les pâturages. Tu t'en vas te promener, belle des champs, qu'il est blanc, qu'il est crème ton fromage. Dis, donne-nous-en un peu, belle des champs. Dis-tu nous en donne-dis, oh oui, donne-nous-en. Donne, donne-dis, belle des champs. Dis, donne-nous un peu de ton fromage. Tout le monde t'aime tant, belle des champs. Alors, toujours sur le plan politique, choisir de devenir un nouveau paysan peut être également synonyme d'une retraite bucolique bien méritée. Jean-Pierre Raffarin, par exemple, après s'être fait massacrer par la moissonneuse-batteuse de Matignon, a lui aussi choisi le Poitou comme refuge. Aujourd'hui, Jean-Pierre savoure d'être redevenu un vrai paysan. Depuis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Jean-Pierre Raffarin en agriculteur va savoir. Cela dit, les nouveaux paysans ne sont pas systématiquement des bourgeois citadins en goguette. Il existe bien entendu des traditions familiales paysannes et chaque année en France, ils sont 4000 à reprendre l'exploitation agricole de leurs parents. Et là, curieusement, ce sont eux qui ressentent parfois le besoin d'investir les grands centres-villes comme ce 24 juin 1990. Parisiens, si vous voulez faire un tour à la campagne aujourd'hui, n'allez pas loin, les Champs-Élysées suffiront. On y a planté cette nuit un véritable champ de blé, plus d'un hectare. C'est une opération CNJA. Le Centre National des Jeunes Agriculteurs entend se faire connaître et redorer, si besoin est, le blason de la profession agricole. C'est ce qu'on appelle un coup, c'est original. Le spectacle des Champs-Élysées sous les bleus est insolite et techniquement c'est une prouesse. Alors, outre ces jeunes agriculteurs authentiques en mal de reconnaissance, il existe également chez les nouveaux paysans deux autres figures emblématiques non négligeables. Tout d'abord, l'agriculteur biologique, celui qui veut défendre une autre façon de cultiver la terre et qui lui aussi n'hésite pas à monter à Paris pour défendre le label Auvergnat de ses grosses salades. L'Auvergne a pratiquement doublé sa présentation au salon de l'agriculture. C'est à la fois une reconnaissance de l'importance de la manifestation et puis aussi pour mieux faire connaître notre principale vocation qui est la qualité dans la production agricole. Puisque notre objectif, c'est que pratiquement tous les produits agricoles sortant d'Auvergne est un label de qualité. Alors nous le faisons pour la viande, nous le faisons pour les fromages, nous le faisons pour le vin, nous le faisons pour la lentille du puits, enfin pour d'autres spécialités. Et on veut faire connaître précisément cet effort de qualité de nos producteurs agricoles pour valoriser au mieux leur chance de compétition et de rémunération. Ensuite, solidaire du paysan biologique, il existe aussi aujourd'hui le paysan voyageur, celui qui a délaissé sa ferme pour parcourir le monde et défendre mordicus les visions d'une agriculture alternative. Alors maintenant, pour compléter notre regard sur les nouveaux paysans, nous avons joint cette semaine au téléphone un acteur mythique des comédies françaises, à savoir le grand blond et si sympathique Pierre Richard. Il y a quelques années, Pierre Richard a acheté une ferme dans l'Aude. Pour commencer, nous lui avons donc demandé pourquoi il avait acheté cette exploitation agricole. Réponse juste après le jingle. C'est cadeau VIP, 100% VIP. Ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Ça le fait. VIP. C'est une espèce de coup de tête. J'ai pas anticipé la chose. J'ai été la voir un jour avec un ami, mais comme ça, c'était même plutôt pour passer un week-end dans le Midi. Et je me suis dit, bah allons la voir, ça nous fera un objectif d'aller jeter un œil comme ça. Et puis j'ai vu qu'elle était entourée d'eau. Il y avait des étangs partout, et puis la mer après, et dans l'eau. Et c'est même après que j'ai vu qu'il y avait des vignes. Et puis, je suis rentré à Paris, et puis voilà. Et puis, il faut croire que dans mon subconscient, ça continue à travailler, parce qu'au bout de 4 mois, j'ai dit à mon secrétaire, bah, tiens, reprends-moi une place d'avion, je vais retourner la voir. Puis c'est parce que j'ai eu des conversations. Quand la deuxième fois, j'y suis retourné, j'ai des conversations avec un œnologue. Oui. Et puis avec celui qui s'occupait des vignes, mais qui se lamentait parce que le propriétaire était mort et qu'il n'avait plus d'argent pour s'occuper. Oui. C'était un vrai viticulteur, un homme de la terre. J'ai parlé avec lui pendant une heure ou deux, puis son langage m'a séduit, tellement différent évidemment de celui de mon milieu. Et son authenticité et sa passion pour le vin m'a séduit, les vignes. Et quand je suis revenu à Paris, je me suis dit c'est vachement intéressant ce qu'il me raconte et c'est là que je me suis décidé à l'acheter. Donc vous avez récupéré cette ferme il y a 10 ans, Pierre Richard, mais est-ce que lorsque vous y êtes, vous vous sentez réellement paysan ? Non, parce que pour que je me considère comme un paysan, il faudrait que je me lève à 6h30 du matin, je prenne le tracteur et que je travaille de mes mains. En même temps, c'est pas une petite occupation comme ça par hasard, je m'en occupe quand même beaucoup, je prends des décisions, j'y suis souvent. Je sais pas, un truc de parade comme ça. Quand vous êtes à Gruissant, j'imagine que vous voyez des gens du coin. Oui. Quel rapport vous avez avec eux ? Ouais, excellent. Mais c'est-à-dire qu'évidemment, ça fausse un peu tout parce que c'est moi. Bah oui, c'est pour ça que je vous pose la question quand même. Donc... Alors ça fausse un peu tout parce qu'ils sont ravis. Ils sont ravis. Puis, genre, enfin, ça veut pas dire que je les vois tous, mais j'en ai, disons, 3 ou 4 que j'aime bien voir parce que je les trouve drôles ou parce que je les trouve intéressants. Il y en a 3 ou 4 qui sont des vrais personnages. Ah, j'en ai 3 ou 4 qui sont pagnolesques à souhait. Alors, j'ai un vrai plaisir d'être avec eux parce que ils sont captivants, parce qu'ils sont vraiment, c'est vraiment des personnages. Ça me fait du bien d'avoir des racines. Moi qui ai toujours été partout, voyagé beaucoup, fait un métier quand même de saltimbanque. Et puis tout à coup, j'ai quand même un endroit où me poser et de regarder un cep de vigne sans feuilles, puis ensuite avec des feuilles, puis ensuite avec les grappes qui arrivent. Et ensuite, avec la vendange, c'est tout un cycle qui est quelque chose de stabilisateur, au fond. C'était Pierre Richard pour la panique au Mangin Palace. I know somewhere there is a party going down. Interesting people, conversation to be found. I've lived in cities where there is no solitude. I've made some friends there that I hope I'll never lose. But for now, I want to stay in this quiet town. Neighbors on my block, they've got stories to tell. This is the grocery but once was a hotel. And Mr. Driscoll, he just stands there with his smile, inviting everyone he sees to come inside. This is the life I want to live in a quiet town. Sometimes I miss the show. Quiet Town, chante Josh Roos dans l'album Sub Titulo. Quiet Town, une ville calme, parce qu'il n'y a pas à dire, les villes les plus calmes, on les trouve à la campagne. Alors, pour poursuivre notre exploration du monde paysan, la panique au Mangin Palace a décidé maintenant, et toujours en direct, d'imaginer ce que va être le paysage agricole français dans, disons, 40 ans. Et oui, ça va être quoi la campagne française en 2046 ? Tout d'abord, il faut le dire, en 2046, il n'y aura plus de paysans. Non, la France importera des poulets aux hormones du Brésil, des veaux de Nouvelle-Zélande et du maïs des États-Unis. Enfin, il n'y aura plus de paysans, ce n'est pas tout à fait vrai. La France, en 2046, sera un grand parc d'attractions vert, Rural Land, où les fils des agriculteurs d'aujourd'hui seront salariés par le ministère du Tourisme pour entretenir les paysages et élever des vaches décoratives. Le principal, c'est qu'il y ait du soleil sur la France. Et oui, en 2046, la France sera un grand parc à thème bucolique, avec foire artisanale et tourisme à la ferme. C'est dire si le monde paysan va changer. D'ailleurs, en 2046, après plusieurs épidémies de fièvre aphteuse, de vaches folles, de grippe aviaire, de rhume bovin, d'angine porcine et de rubéole lapine, il sera interdit de manger de la viande. Sache-le, l'ami, en 2046, ta viande, tu l'achèteras au marché noir et à prix prohibitif. Une vache à 1000 francs, comme ce serait charmant. Comme ce serait charmant et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2000 francs, une vache à 1000 francs, une vache à 1000 francs. Ferait le filet à 100 francs, le rhum steak à 60 francs, le gîte à 40 francs, la loyau à 30 francs, la culotte à 20 francs, une culotte à 20 francs. Ferait la côte à 15 francs, la poitrine à 12 francs, la bavette à 10 francs, le collier à 8 francs, le jarret à 4 francs, un jarret à 4 francs. Ce serait intéressant. Et plus avantageux pour faire un pot-au-feu qu'un jarret à 1000 francs, un jarret à 4 francs. Oh la vache, la sale vache, oh la vache nous rendra fous. Tu remarqueras au passage qu'en 2046, l'euro aura disparu tout comme le dollar et que le franc Pinet sera devenu la monnaie internationale. Et oui, en 2046, on ne mangera plus de viande et c'est avec une certaine émotion que les anciens évoqueront leur dernière côte de bœuf. Elle était si jolie. que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Oui, l'ami, en 2046, tu vas l'avoir, la nostalgie des côtes de bœuf. Mais sans doute moins que celle du poulet rôti. Car on doit te le dire, en 2046, il n'y aura plus aucun volatile sur la planète. Exterminé, non pas par la grippe aviaire, mais par les F-16 américains qui auront reçu l'ordre d'abattre tout ce qui survole sans autorisation leur territoire, c'est-à-dire la Terre. Car ça aussi, on doit le dire, en 2046, George Bush Jr., le petit-fils de W, sera président des États-Unis. On m'appelle simple, l'innocent du village, doux comme un agnelet. Je mène la vie d'un sage, j'entends gaiement, moi je vis de l'air du temps, je dois tout ça au conseil de mon papa, je garde son secret, c'est mon seul héritage, mon bonheur est complet, on m'appelle simple. En effet, les Bush auront instauré la monarchie aux États-Unis et auront éliminé tous les oiseaux. Enfin, tous les oiseaux. Là encore, il faut nuancer. Il y a une espèce persistante à la vie dure, du genre qui niche à Neuilly. Dans les poulaillers d'Acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Que font ces jeunes assis par terre, habillés comme des traits de misère? On dirait qu'ils n'aiment pas le travail, ça nous prépare une belle pagaille. Mais comprenez-moi, c'est inquiétant, nous vivons des temps décadents. Mais comprenez-moi, le respect se perd dans les usines de mon grand-père. Tu l'as compris, d'ici 40 ans, le monde paysan va connaître des bouleversements profonds. Et pourtant, l'un des plus importants n'est même pas encore évoqué par nos plus grands spécialistes. Après avoir mis des siècles à se débarrasser du loup, le paysan sera confronté à un prédateur redoutable, une espèce qui aura muté après avoir mangé du maïs transgénique, un animal dangereux, capable de tout. Le lapin transgénique, ça fout la trouille. Et malgré cela, certains téméraires abandonneront la vie citadine et se retireront à la campagne. Une vie qui conviendra parfaitement à François Hollande. À la campagne, avec ma compagne, on vit bien tranquille comme deux insouciants. À la campagne, avec ma compagne, on est bien heureux près de nos deux bœufs. Quand il faut semer, tous les jours on sème. Et le soir quand on a semé, alors on sème. Car vous le comprenez, c'est bon de s'aimer avec ma compagne. Ah, c'est vache là, à la campagne. Mais bon, rassure-toi, dans 40 ans, tu retrouveras tout de même certains repères, car tout n'aura pas été modifié. Tiens, par exemple, si en mars 2046, tu vas au salon de l'agriculture, tu rencontreras une vieille connaissance. Écologie, moi je la pratique depuis toujours. Les animaux, les plantes sont mes amis. Je les connais et je les respecte. Mais quoi quoi ? Faisons mes quoi quoi ? C'est papa ! Allez les quoi quoi ! Ah, mes quoi quoi ! Allez, à la soupe les quoi quoi ! Ah, ben c'est qu'il avait faim les pépères, hein ? Tiens, ça c'est pour toi, mon gros. Bonjour, comment ça va? Bonjour, le cric-cric. Ça va, la maman? Oh, qu'est-ce que le mignon, le fromage, hein? C'est mauvais, mon ami. Comment ça va? Je me reposais dans le coin et je me suis dit, tiens, c'est pas José Beauvais qui passe là sur la route? Hop, et on se voit un de ces jours, hein? José, mon ami que j'ai. Casse-toi le corbeau. Et oui, Jacques Chirac sera encore président en 2046 pour son 10e mandat et José Bové sera Premier ministre. Dans 40 ans, le monde paysan aura donc beaucoup changé, mais par son histoire séculaire et ses traditions ancestrales, il gardera un poids considérable, dans la société et dans la vie politique. À tel point que lors des élections, Dominique de Villepin, toujours en quête d'une légitimité populaire, s'essaiera à un nouveau type de discours, mais toujours avec lyrisme. Tous mes aïeux furent de la terre, fermiers, métayers, ouvriers, courbant les chines sous le fouet, symbole de la propriété. Mais tous bien têtus, cabochards, certainement 48 heures, peut-être même comme une heure, tous mes aïeux furent de la terre. Hélas, pour lui, encore une fois, Dominique de Villepin sera renvoyé dans ses terres. Alors voilà, pour le monde paysan, l'avenir s'annonce compliqué. Mais que les animaux de la ferme se rassurent, ils conserveront leurs plus fidèles admirateurs, leurs zélateurs fiévreux, leurs adulateurs sans bornes, célébrant le culte, toujours à la même heure. Le salon de l'agriculture est terminé, il n'a pas fait le plein de visiteurs cette année, 20% de moins que l'an dernier. Environ 500 000 personnes seulement sont venues voir la plus grande ferme de France. En tout cas, les animaux, eux, ont retrouvé leur campagne. Avec Pedro, un joli charolais de 1650 kilos alourdi de quelques médailles, à Saint-André, en terre pleine, dans l'Yonne, Olivier Lortios et Laurent Sobad. Pedro, lui, célèbre ses titres avec un petit encas. C'est quand même les 40 meilleurs animaux de France qui sont quand même exposés au Salon de Paris. Hein. Ce matin, Pedro a pu à nouveau fouler le sol de sa prairie. Même recouverte de neige, il apprécie cette petite promenade. L'an prochain, s'il est toujours en forme, il défendra peut-être son titre à Paris. Pedro défendra son titre à Paris car on peut te le dire maintenant, en 2046, Paris épuisé de voir sans cesse sa candidature rejetée à l'organisation des Jeux Olympiques se consolera une nouvelle fois en organisant son 83e salon de l'agriculture. Là au moins, Paris est sûr de ne pas prendre un vent. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens et je voudrais... Que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le devant. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. t'emmène aux ventes, propose Louise Attaque en 1997, parce qu'en général, quand tu vas à la campagne, tu prends un grand bol d'air frais dans ta face. Alors, pour poursuivre notre voyage au cœur de la paysannerie française, il est grand temps maintenant, à 11h46, de retrouver nos deux drôles de volailles, les rustiques Monique et Jean-Claude, qui sont allés rendre visite le week-end dernier à leur grand-oncle Léon, exploitant agricole près de la Motte Beuvron, dans le Loir-et-Cher. Voilà des années que Jean-Claude rêvait de retourner dans cette ferme où il a passé toutes ses vacances d'été durant son enfance. Monique, elle, ne connaît pas l'oncle Léon, mais elle est ravie de partir quelques jours à la campagne. Monique, la citadine, s'imagine Léon tel Charles Ingalls, patriarche quinquagénaire, certes gros bouseux, mais généreux au sein de sa petite maison dans la prairie. Dans la voiture qui les conduit sur la route du Loir-et-Cher, Monique questionne Jean-Claude sans cesse sur cette jeunesse passée à la ferme. Jean-Claude se fait un plaisir d'évoquer ses jolis souvenirs. J'ai dépensé ma jeunesse comme une poignée de monnaie. J'ai fait un peu de tout, un peu partout, sans savoir rien faire. La fleur aux dents, c'était tout ce que j'avais. Mais je savais bien que toutes les femmes du monde m'attendaient. Il y a les filles dans ton rêve et celles avec qui l'on dort. Il y a les filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords. Il y a les filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Puis un jour, il y a la femme qu'on attendait. Monique savoure aujourd'hui être la femme que Jean-Claude attendait. Elle regarde par la vitre et tous ses champs à perte de vue la remplissent de bonheur. Monique et Jean-Claude se rapprochent de la ferme de l'oncle Léon. Et Jean-Claude constate avec surprise que même chez les ploucs, les petites routes sont bien entretenues. Quand ils arrivent enfin dans la cour de la ferme, Léon les accueille avec l'humilité légendaire des paysans. Je n'ai qu'une ferme chancelante. Un moulin trop vieux, un bout de terre en pente, et trois arbres au milieu. Chalala, tu es bénédité, chalala, tu es bénédité. Soyez les bienvenus à la ferme du bonheur. Monique constate très vite en effet que cette ferme est au bord de la ruine et en plus un gros tas de fumier trône devant la maison. Elle sort de la bagnole et s'aperçoit immédiatement qu'en réalité elle est très mal équipée pour ce week-end agricole. Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadoue. Jean-Claude, lui, est très ému de retrouver tonton Léon, tante Marie et surtout cet endroit bucolique. Toutes ces odeurs sont pour lui une photographie instantanée de sa jeunesse à la campagne. Rien n'a changé, ou presque. Ce poulailler derrière les tables où il tirait sur les dindes de tante Marie avec une carabine à plomb. Cette grange délabrée près du lavoir où il aimait tant jouer au docteur avec sa cousine Caroline. C'est alors que Léon prend Jean-Claude par le bras et le conduit à la cuisine où il y a un attrape-mouche gluant suspendu au plafond. Ils sont tous les deux installés devant un verre de gnôle et Jean-Claude constate très vite que tonton Léon n'est pas dans son assiette. Je sais pas ce qu'arrive à la Marie. Moi non plus. Depuis qu'elle est montée à Paris, Emmanuel, elle veut qu'on l'appelle. C'est une question de sexe à belle. Je peux même plus lui parler d'amour. Elle me dit que ça vaut pas Gainsbourg. Et v'là-t-il pas qu'elle me taquine en me susurrant, je vais te faire birkin. Sois érotique, sois érotique. Qu'elle dit, qu'elle dit. Viens m'aimer avec tes sabots. Viens m'aimer avec ton râteau. Jean-Claude est très surpris, voire désarçonné par les confidences intimes de son oncle sur tante Marie. Mais il tente tout de même de rassurer Léon, et lui dit qu'il y a dans tous les couples des cycles. En gros, il ne faut pas s'inquiéter. De toute façon, il est déjà l'heure de dîner, et quand Jean-Claude voit arriver le plat du soir sur la table, il se pose une question fondamentale, comme une prise de conscience écologique. Et si ce soir, on mangeait le dernier veau, les vaches sont folles et les moutons sont faux. Et si ce soir, on mangeait le dernier veau, un peu de tendresse au milieu du gigot. À Après cette tête de veau en hommage à président Chirac, tout le monde file se coucher car il faut se lever très tôt demain matin. Cela dit, avant de s'endormir, Jean-Claude dit à Monique que s'il avait un peu plus de blé... Je bâtirai une ferme, une grange et une barrière, et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, ça serait de bonheur. Tout le monde chante encore. Oh, oh. En s'endormant, Monique, elle, remercie surtout le ciel de ne pas être née paysanne. La nuit est sombre et silencieuse, au loin, un chien aboie. Après un réveil au cri du coq à 5h30, la matinée fut coriace. Travailler la terre dans les champs, c'est épuisant depuis des millénaires. Monique et Jean-Claude ont les mains pleines d'ampoules. Le jour s'estompe déjà, c'est l'heure de l'Angélus. C'est alors que tonton Léon, dans le souvenir du bon vieux temps, propose à son Jean-Claude de conduire le tracteur pour rentrer à la ferme. Sur la route, seul sur sa machine, Jean-Claude il est chaud bouillant. Je n'ai besoin de personne en masse et Ferguson. Je ne reconnais plus personne en masse et Ferguson. J'appuie sur le starter et voici que je laboure la terre. Je ne reconnais plus personne en masse et Ferguson. Après quelques kilomètres au volant de son énorme tracteur, malheureusement, Jean-Claude se fait interpeller par la gendarmerie nationale. Évidemment, il n'a pas son permis poids lourd, du coup, ça s'annonce très compliqué. Les gendarmes s'apprêtent à le faire monter menotté dans le panier à salade, quand tout à coup, d'autres paysans semblent venir à la rescousse du Jean-Claude. Merci, chaussée Pompée, de nous montrer le chemin. Nous serons demain avec toi. Et s'il faut aller aussi loin qu'à l'époque pour le Larzac, nous serons avec toi jusqu'au bout. Libéré Jean-Pierre Pompée. Libéré Jean-Pierre Pompée. Libéré. Eh oui, avec la nouvelle moustache du Jean-Claude, il y a eu grosse confusion. Un brin trouillard, les gendarmes le libèrent immédiatement. Il ne voudrait pas voir TF1 débarquer. De retour à la ferme, Jean-Claude ne raconte rien de cette péripétie. Il ne voudrait pas être privé de tracteur demain soir. La veillée se déroule paisiblement. Monique et Jean-Claude sont allés se coucher de bonne heure, épuisés par cette dure journée de labeur au champ. Après leur programme télé, Marie et Léon s'apprêtent eux aussi à regagner leur chambre. Quand tout à coup, tante Marie recommence son cirque. Dis-moi, cette télé, c'est vraiment n'importe quoi. Ah oh bah tu vois, j'ai bien aimé, moi. Oh bah toi, bien sûr, dès qu'il y a une femme nue quelque part. Oh, il fait chaud. Ah oui, il fait chaud, oui. Tiens, j'en fais autant. Ouais, tu te mets nue? Ouais. Ah ben moi aussi, t'as. Bien fait. On sent pas de ça, là, Marc. L'autre jour, à la télé, ils l'ont dit dans l'émission. 45% des Français couchent à poil. Oui, et après, ils s'étonnent d'avoir des rhumatismes. Oui. Oh ben, c'est un brevet de longue vie. Ils l'ont dit aussi. Ils l'ont dit aussi, j'ai entendu. Eh oui, il se passe de drôles de trucs dans les fermes de France. Monique et Jean-Claude sont rentrés enchantés de leur voyage campagnard au milieu du monde paysan. Fin de l'histoire. Lundi matin, au bureau, Jean-Claude a raconté à ses collègues que sa famille vit dans le Loir-et-Cher et qu'il en est fier et qu'au moins ces gens-là, ils ne font pas de manières. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manières. Ils passent tout l'automne à creuser des sillons, à tourner des hectares. Un dimanche dans le Loir-et-Cher, ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à hibou. Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson, tu ne penses plus à nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue, on dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Je leur dis qu'il faut que je rentre. prière que je reviendrai un de ces dimanches passer la nuit dans le Loir-et-Cher. Ils me disent tu vis sans jamais voir un cheval à hibou. Ils me disent tu ne viens plus même pour pêcher un poisson. Tu ne penses plus à nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. Loir-et-Cher, magnifié en 1976 par Michel Delpech. Le Loir-et-Cher, parce que de Blois, en passant par Vendôme ou Romorantin, ces gens-là ne font pas de manière. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre émission consacrée cette semaine aux hommes de la terre, aux paysans. Du salon de l'agriculture à la grange de Tonton Léon, de Pierre Richard à Jean-Pierre Pernaud, de la vache allaitante à la moustache de José Bové, nous avons tenté de te dresser un panorama subjectif de ce que peut être le monde paysan. Alors, c'est quoi un paysan aujourd'hui ? Ben, tout d'abord, c'est un chef d'entreprise qui dépend de plus en plus des multinationales de l'agroalimentaire. L'agriculteur est devenu un maillon dans la chaîne des productions agricoles. Il est maintenant obligé d'acheter ses semences et son jeune bétail à ces firmes multinationales qui imposent leurs produits et qui fixent le prix de rachat de la production. Le paysan qui longtemps a vécu en autonomie dépend aujourd'hui plus que jamais du marché mondial et des intermédiaires. La concurrence est rude et le nombre des exploitations ne cesse de diminuer. Un autre paradoxe du monde paysan contemporain réside dans les écarts de production à l'échelle mondiale. L'Europe de l'Ouest n'arrive pas à écouler ses stocks de lait, de viande ou de fruits. Et en subventionnant son agriculture productiviste, elle freine le développement agricole des pays pauvres. La fourmi veut pas donner son miam, miam. La fourmi veut pas donner son miam, miam. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est une vieille embête. Donc crevez que donner un gramme, gramme, gramme, gramme, gramme. La fourmi. La cicrane et la fourmi, c'est énorme. Voilà, fin du 27e épisode, c'était « C'est quoi les paysans ?» revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h pour une nouvelle aventure Total Foutraque et archiloufoque. Merci beaucoup à Xavier Mauduit, co-auteur du texte, à Marco Mutel, réalisateur, Benjamin de la Gâtinée et Pierre-Yves de Rolin pour la technique. Toute la documentation, merci beaucoup à Mel Caldi, pour les scuds Thierry Dupin, Catherine Pinto et Xavier Rinaldi, nos deux stagiaires, merci beaucoup. Pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao. Il y a le feu dans le studio.